بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم فتح العلامي في دراسة أحاديث بلوغ المرام. traduit et commenté par Abu Taymiyyah Khalil al-Mutaniki حفظه الله تعالى. 35e leçon. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وأهل وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. طيب أولا سؤال question du diaz qu'on vient de prendre là dans Al-Jami al-Sahih. Qu'al ibn Abbas, après qu'il fait la salade de nuit avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Thumma nama hatta yanfukh thumma qama wa salla wa lam yatawadda. Ils sont endormis à tel point que j'ai entendu sa respiration, respirer fort. Ensuite, il s'est levé, il a fait la salat sans faire l'eau d'eau. Et hier, on a appris que le sommeil, même le sommeil le réel, haqiqi, annule l'eau d'eau. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est parmi les particuliers des NBA. Donc, le Nabi Salam, l'NBA, tanam ou aryanuhum ou la tanam ou kulubuhum, que leurs yeux dorment. Et pas à leur cœur. Donc ça, c'est pas un qiyas à faire, c'est parmi les propriétés des prophètes. Naam. Et également, on a pris une faïda, il a dit yanfukh, dans le fait qu'il respirait fort. Maintenant, ça veut pas dire qu'il ronflait. Parce que moi, il me semble avoir déjà vu des hadiths traduits par ronfler. Et le ronfler, c'est as-sakhir. C'est un son qui est dérangeant. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, apparemment, le terme qu'il a employé, c'est nafaka, et non pas sakhara. Allez, comme ça. Donc, on fait attention aux traductions. Taïb. Après, il dit, rahimahullah ta'ala, al-hadithu al-rabi' wa sittun. Toujours dans le waqid al-wudu. An Aishata, radiallahu anha, qalat, ja'at Fatima bint Abi Hubaych. بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليس بحيد، فإذا أقبلت حيدتك فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. وللبخاري قال ثم توضئ لكل صلاة. أشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. طيب. Donc là, il dit selon Aïcha que Fatima bint Abi Hubaych s'est rendue auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui a dit Ô message d'Allah, je suis une femme qui a des pertes de sang, autres que celles des menstrues, en fait. Ou plutôt, qui a des, pourrait croire, on pourrait dire aussi des menstrues, il y a un irrégulier. Pas dans les normes. Donc, de sorte que je ne suis jamais pur. Je ne suis jamais purifié. Donc, est-ce que je laisse sa salat? Il lui a dit, non. Cela, en fait, est une veine. Et non pas des menstrues, c'est-à-dire c'est des pertes de sang. D'accord, ce n'est pas des menstrues. Si tes menstrues viennent, alors délaisse sa salat. Et si elles s'en vont, alors nettoie le sang, c'est-à-dire fais ton rousl, et ensuite fais la salat. Le hadith c'est muttafaqun alayh. Et le Bukhari a ajouté thumma tawadda'i li kulli salatin. Et ensuite fais l'eau d'eau pour toutes les salates. Et Muslim a indiqué qu'il a enlevé volontairement cette partie-là en plus. Le hadith. Car après recherche sur le hadith, il s'avère que le plus apparent est que cette parole est la parole de Urwa. Et non pas la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est la parole de Urwa ibn Zubayr. Et non pas celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non. mais ça porte à confusion. Donc après il dit المسائل والأحكام المستفادة من الحديث. أول المسألة حكم الوضوء للمستحاضة. C'est-à-dire les ablutions pour la femme qui a des pertes. La plupart des gens de science vont voir qu'il lui est obligatoire de faire l'wudu pour chaque salat. Et leur dalil, c'est quoi? Le hadith que vient de prendre. En prenant l'ajout chez le Bukhari. Rassolli les coulis salat. Ils prennent cet ajout-là. Et ils ont pris d'autres hadiths également qu'il faut faire l'wudu pour chaque salat, mais il n'y en a aucun qui est authentique. Aucun authentique. Donc après, d'autres ulama, eux ils voient que si jamais une femme, elle n'a plus ses menstrues, elle fait le roussel, voyez, et que la mustahada n'a pas à faire l'wudu pour chaque salat. Car, comme on a dit, c'est quoi l'apparent? C'est que la parole, c'est une parole de Urwa Ibn Zubayr, l'un des rapporteurs du hadith. Et non pas la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc elle a juste, la femme qui a fini ses menstrues, à se doucher, faire son roussel, même. Et que dans le hadith, il n'est pas stipulé qu'elle doit faire l'wudu pour chaque salat. Donc ça c'est l'avis de Cheikh al-Islam. Et Cheikh Ibn Hizam, il voit qu'en fait, cet avis-là, c'est le plus authentique, mais que l'autre avis est plus prudent. Quand même, que lui, il voit que l'avis le plus authentique, c'est qu'à la base, elle n'a pas à faire l'wudu. Mais l'autre avis, qu'elle le fasse, yani, ne nuit pas. Si jamais il y a un doute, parce qu'il n'y a pas unanimité que la parole est la parole de Urwa. Il y en a, ils voient que c'est la parole de... Il y en a, ils voient que la parole, c'est la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'y a pas ijma', c'est la parole de Urwa. C'est pour ça qu'il dit que donc, le plus prudent, c'est qu'elle fasse l'odo pour chaque salat. Comme ça, elle sort du doute. Bien que lui, il voit que la parole, c'est un ajout de... que la parole ajoutée, c'est celle de Urwa. Et pas celle de... quand même du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mafhouma hada? Tayyib. Après il dit mas'ala khuruj dam al-hayd wa an-nifas. La sortie du sang des menstrues et des lochis, ils appellent ça le lochis. C'est quoi le nifas? C'est le sang que la femme comme perte elle a après l'accouchement. Souvent ça dure 40 jours. Pour l'instant là, elle ne fait pas salat. Ni ne jeûne. Elle est un peu comme le jument de la de celle qui a des haïd. Hein, c'est le hukm al-haïd. Donc il dit qu'il y a ijma des ulama que la sortie du sang, des menstrues et des lochis, des haïd et des nifas, sont des annulatifs de l'odo. Et également des choses qui impliquent le rosl. C'est-à-dire la femme qui a eu ses nifas ou qui a eu ses haïd, quand c'est fini, elle doit faire son rosl. Naam. Donc c'est quoi le dalil? وَلَا تَكْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَتْهُرْنَ فَإِذَا تَتَهَرْنَا فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. Et ne les approchez pas jusqu'à ce qu'elles se purifient, c'est-à-dire les femmes qu'on leur haïd. Et si elles se purifient, alors, yani, accouplez-vous comme vous, Allah vous l'ordonne. C'est-à-dire, vous pouvez aller avoir des rapports avec elles comme Allah vous l'ordonne. C'est-à-dire, de la façon dont Allah vous l'ordonne, c'est-à-dire, comme lui il veut et pas comme vous voulez, selon ses limites. Et d'autres ahadith. Mais cette masala est ma'aloufa. Après il dit sahib, salis el bol, celui qui a, on a dit quoi, incontinence urinaire, qui a toujours des gouttes qui partent malgré lui. Donc lui, son jugement, c'est le même jugement que là. C'est le même khilaf, Afouane, que le khilaf de Al-Mustahadha, c'est qu'il y a des pertes. Le khilaf, chez lui, c'est le même khilaf que la femme qui a des Mustahadha. Quand on a qui voit que, en fait, lui, c'est une machaka qu'il a sur lui, ses gouttes, donc il ne fait l'eau d'eau qu'avant chaque salat. Par contre, c'est wajib. Mustahadha, on a vu, il y avait un khilaf, mais en fait, son col, le col de on va dire, du... C'est le bol, c'est le même que ceux qui voient l'obligation pour la femme qui est de refaire l'eau d'eau pour chaque salat. Parce que ça c'est marlouf, l'urine, ça sort, ça n'a que de l'eau d'eau, parce qu'il n'y a pas de khilaf. Donc lui il fait l'eau d'eau pour chaque salat. Et que cela lui a été ordonné. Par exemple, il est en salat, il a des gouttes qui sortent, il n'a pas à refaire la salat. Même s'il lui a une maladie. Et ça c'est l'avis donné par Cheikh Ben Baz et Cheikh Al-Othaymin rahmatullah alayhima. Et c'est une masala également équivalente pour celui qui a des gaz sans cesse, malgré lui. T'as déjà, ils ont des problèmes intestinaux et tout le temps ils ont des gaz. Donc c'est pareil. Il fait à chaque fois l'eau avant chaque salat. Il fait salat. Après il sait ce qui se passe. Sinon il va pas finir. Et après il a rajouté, c'est aussi celui qui a des bawasir, c'est hémorroïdes. Eux je crois qu'ils ont des pertes de sang qui de l'anus. Voilà. En tout cas ceux qui ont ça. Ils prennent le même jugement. Ils font l'eau d'eau avant chaque salat. Parce que tout ce qui sort de l'anus ou du pénis ou de la du vagin pour la femme, c'est des choses qui annulent l'eau d'eau, à la base. Et il rapporta que qui c'est qui a eu le Imran al-Hussein, il a eu les bawasir, des hémorroïdes, comme Sahabi. Et Zayd ibn Thabit, il avait salis al-Bol. Comme les Sahaba, tu veux ces maladies-là. Donc après il dit El hadith El khamis wa sittin Wa an Ali ibn Abi Talib Radiru anhu Kale Kuntu rajulan mazaan Fa amartu al migdad An yasala al nabiya sallallahu alayhi wa sallam Fa sa'alahu fa kale Fihi al wudu Muttafaqun alayhi wa lafzu li Bukhari. Selon Ali ibn Abi Talib, qu'il a dit, j'étais un homme qui avait beaucoup de ma vie. On a dit comment ça s'appelait en français ? Liquide prostatique. J'ai toujours pas regardé ce que c'est la prostate, je sais pas. Ce liquide qui est un peu visqueux, transparent. Qui vient lors des envies. Et certains l'ont plus que d'autres, chez les hommes. T'as les hommes qui sont plus sensibles que d'autres. T'en as, ça vient tout seul. T'en as, si une femme les touche au moment de contact, ça vient. Et t'en as, il en faut plus. Ça dépend. Mais à la base, c'est un truc qui est présent chez tous les hommes. En général. Il dit... المسائل والأحكام والمستفادات من الحديث. أولا المذي ناقد من نواقض الوضوء. Que le liquide prostatique, le mazi, est un annulatif de l'eau d'eau. Et ce hadith en est la preuve. Et ce fut rapporté par grand nombre de sahaba, de tabi'in et de ulama. Ibn Munzir, Ibn Abdelbar. Et comment il s'est fait connaître? Et c'est quoi la particularité de cet homme? Qu'est-ce qu'il a fait de particulier? Enfin, il a fait plein de choses, que c'est un imam. Mais c'est quoi la chose qui lui a, par laquelle il s'est distingué? Il a été la cause de propagation du Mazhab Maliki dans le pays du Maghreb. On peut dire même l'Afrique, en général, mais normalement ils disent le Maghreb. Non. Voilà, il faut savoir une chose. Le jugement du mazi, c'est le même jugement que l'urine. Dans le hadith, il dit quoi? Fihi el wudu. C'est-à-dire, l'ouzo, tu le fais avant de faire la salade. C'est pas le fait que le mazi sorte, tu dois faire l'ouzo. Ce n'est pas le simple fait. Et à dire que le mazi, comment dire, en lui-même, c'est sa sortie du pénis, comme l'urine. Parce qu'il a dit fihi l'ouzo. Vous pourrez croire, le mazi, dans le mazi, il y a de l'ouzo à faire. Et en fait, c'est pas pour le mazi en lui-même, c'est pour sa sortie du pénis, comme l'urine. Mais cet ouzo, tu le fais quand? C'est pas dès qu'il est sorti, tu es obligé de faire l'ouzo. C'est pour la salade, comme pour l'urine. C'est pas genre, par exemple, le mazi est sorti, hop, je dois faire l'ouzo tout de suite. C'est pas obligatoire. Si tu veux le faire de toi-même, alhamdoulilah. Mais c'est pas genre le hadith, faut croire que si le mazi sort, fais l'ouzo. Non, si le mazi sort, tu n'as plus l'ouzo, et si là ça devient, tu dois faire l'ouzo. C'est ça que ça veut dire. Mais toi maintenant, si tu fais l'ouzo directement après, ma fichée. Même si c'est moustahab d'être en tahara, en général. Après, il dit, mas'ala. Hal yajib ghusl al-zakar wal-unthayayn ma'al wudu'i. Est-il obligatoire de laver le pénis et les testicules lorsqu'on fait l'ouzo? Donc dans la mas'ala, il est venu un hadith dans le Sahih al-Musnad que Shamogul l'a rapporté de Abdullah ibn Sa'd al-Ansari à propos du mazi, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit quoi? Qala fihi tahsil min dhalika farjak wa usnayayka wa tawaddu wudu'aka lis-salah. Ça veut dire tu laves cela de ton pénis, c'est-à-dire le mazi, tu t'en nettoies, parce que c'est une najasa. Ainsi que tes testicules, tu nettoies ton pénis et tes testicules du mazi, car c'est une najasa. Et tu fais l'ouzo de la salade. Dans le hadith, il est venu avec le mot testicule. Toi-même. Et c'est un khilaf qui est venu avec des gens de mazahib qui voient que tu laves le testicule avec. Et la plupart des savants voient que ce n'est pas obligatoire. Il y a un tu fais comme pour le sidja. Quand tu vas au hammam, tu vas aux toilettes et que tu as uriné, c'est la même chose. Tu nettoies ton pénis. Tu le mouilles. S'il y a besoin de frotter avec la main, parce que des fois, peut-être le mazi, c'est pas comme l'urine, tu vois, c'est un peu visqueux. C'est un peu plus tenace. Tu nettoies. Si tu as ton vêtement, tu nettoies. Et si jamais il a touché tes testicules, tu les nettoies. Sinon, c'est pas obligatoire. Le hukm du mazi, c'est le hukm de l'urine. T'as demandé stinja, que tu nettoies ton pénis. Donc ça, après, c'est ce que le chéri voit comme étant la vie prépondérante. Qu'il suffit de se laver le pénis. Les testicules, mustahab, ou si jamais le mazi a touché les testicules, donc c'est obligatoire. Après, il dit, najasatul mazi, l'impureté du mazi. Comme on dit, amara an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bi ghusl al-dhakar minhu wa yundah al-thawb minhu. Kama taqaddam yadullu ala najasati. Donc le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de le nettoyer, de se nettoyer le pénis ainsi que le vêtement, cela démontre que c'est une najasa. Et qu'il y a ijmar dessus. Et mais en réalité, il n'y a pas. Enfin, à la base, c'est ijmar, mais en fait, il n'y a pas ijmar parce qu'on a trouvé certains des hanabila qui voient que c'est pur. Certains dans le mazhab Hanbali voient que le mazi il est pur et apparemment, ce serait une parole rapportée selon l'imam Ahmed. Et ça, c'est Ibn Rajab qui rapporte ça dans Fath al-Bari. Dans Fath al-Bari qui n'a pas complété. Parce que Fath al-Bari, il y en a deux. Celui d'Ibn Hajar, qui est connu, et celui d'Ibn Rajab. Il a été dit que si Ibn Rajab avait fini le sien, il aurait été mieux que celui d'Ibn Hajar. Ah, mais il ne l'a pas terminé. Quoi qu'il en soit, c'est Shib Ijma'. Et ce kalem-là, il n'est pas mortabar parce qu'il contredit les adillets qui sont clairs. Maintenant, je ne sais pas sur quoi ils sont basés. Pour dire que c'est pas, il n'a pas cité leur sidlel. En tout cas, le mazi, quand même, c'est un orchid de l'odo. Si le mazi sort, le liquide prostatique qui sort de l'homme, il doit faire l'odo s'il y a la salade. Azahu. Et également, le sang des haïd. Si une femme a eu ses haïd, quand elle l'a fini, elle doit se purifier. d'affa le rufl. Et la mustahada, celle qui a des pertes, elle, il apparaît que ses pertes ne demandent pas l'eau d'eau, mais que par prudence, mieux vaut le faire. Donc voilà. خلاصة درسنا اليوم مفهوم فإلى هنا والحمد لله رب العالمين